Können, pouvoir. J'appelle cela un verbe porte-manteau, parce qu'il y a généralement un verbe à l'infinitif placé à la fin qui y est accroché. Par exemple, comment diriez-vous « pouvez-vous me comprendre » au sens de « arrivez-vous à me comprendre ? Me comprenez-vous ? Pouvez-vous me comprendre ? Können Sie mich verstehen ? Können Sie mich verstehen ? Oui, d'accord. Comment dit-on « je peux » ? Ich kann. Bien, ich kann. Ça s'écrit K-A-2-N. Ich kann. Et je ne peux pas ? Ich kann nicht. Bien. Ich kann nicht. Je ne peux pas. Dans le sens de je n'arrive pas à. Donc, je n'arrive pas à vous comprendre. Je ne peux pas vous comprendre. Se dit. Ich kann nicht Sie verstehen. Oui, mais d'ordinaire, Sie vient avant nicht. Ich kann sie nicht verstehen. Ich kann sie nicht verstehen. En fait, c'est comme pour ich verstehe sie nicht, je ne vous comprends pas, mais avec ich kann, le second verbe verstehen est à la fin de la phrase. Ich kann sie nicht verstehen. Pour dire je suis désolé, pour je suis désolé en allemand, on dit cela me fait de la peine. Cela fait, c'est es tut. Tun, c'est faire. Mais pour il, elle ou ça fait, on a un t à la place du n final de tun. On a donc tut, t-u-t. Es tut, cela fait. Et es tut mir, cela me fait. Me qui signifie ici à moi. Dans le sens de à moi, me se dit mir. Cela fait à moi. Cela me fait, mir. Si vous ne voulez pas dire à moi, mais simplement me, moi, vous emploierez mich. Je reviendrai sur ce point. Donc, es tut mir, cela me fait, light. Light, s'écrit L-E-I-D. Le son I s'écrit toujours E-I, comme dans bleiben ou sein. Light, le D final se prononce ça ressemble au mot « light » comme dans « boisson light ». « Es tut mir leid ».« Es tut mir leid » veut donc dire « je suis désolé ». C'est une expression que vous entendrez souvent et que vous serez sûrement appelé à utiliser. « Es tut mir leid ». Alors, comment dit-on « je suis désolé » ? « Es tut mir leid ». Bien !« Es tut mir leid ».« Es tut mir leid ». »« Je suis désolé ». Qui est souvent suivi par « mais ». Et « mais » se dit, on l'avait déjà évoqué, « aber ». « Aber », A-B-E-R. Donc, « je suis désolé, mais » se dira « es tut mir ». Tut, le U est prononcé « ou ».« Es tut mir leid, aber ».« Es tut mir leid, aber ». Je suis désolé, mais je n'arrive pas à vous comprendre. C'est-à-dire, je ne peux pas vous comprendre. Es tut mir leid, aber ich kann. Je ne peux pas vous comprendre. Ich kann sie nicht verstehen. Verstehen. Il faut insister sur la syllabe ste. Je reviendrai plus tard là-dessus. À vous de le dire, verstehen. Verstehen. Ich kann sie nicht verstehen. Comment dit-on rester? Bleiben. Bleiben. Nous restons? Wir bleiben. Wir bleiben. Nous ne restons pas? Wir bleiben nicht. Bien, cette fois j'ai entendu le T. Wir bleiben nicht. Comment dit-on « nous ne restons pas ici » ? Wir bleiben nicht hier. Wir bleiben nicht hier. Le mot pour dire long, longtemps est lange. Lange, long, longtemps, lange. Comment dit-on long, longtemps? Lange. Lange. Lange. Oui, c'est ça, lange. Comment diriez-vous « nous ne pouvons pas rester ici longtemps » Nous ne pouvons pas. Wir können nicht. Bien. Wir können nicht. Wir können nicht. Donc, nous ne pouvons pas rester ici longtemps se dira. En allemand, on dira nous ne pouvons pas longtemps ici rester. Wir können nicht lange hier bleiben. Bien. Wir können nicht lange hier bleiben. Combien de temps se dit wie lange? Wie, c'est comment? Ça s'écrit W-I-E, wie. Donc en fait, wie lange, c'est mot à mot, comment longtemps. Alors comment direz-vous combien de temps? Wie lange. Wie lange. Wie lange. Combien de temps pouvez-vous rester ici? Wie lange? Wie lange? Oui, pouvez-vous? Können Sie hier bleiben? Bien. Wie lange können Sie hier bleiben? Je dois se dit ich muss. Muss. M-U-2-S. Ich muss. Ich muss, c'est je dois. Ça se prononce comme la mousse. Imaginez que vous êtes invité et que vous devez apporter le dessert. Je dois faire une mousse au chocolat. Voilà une obligation plutôt alléchante. Donc, ich muss, c'est je dois. À vous? Ich muss. Donc, ich muss. Je dois voir cela. Je dois le voir, se dira. Ich muss sehen. Cela, le, je dois le voir. Es, ich muss es sehen. Ich muss es sehen. À vous? Ich muss es sehen. D'accord. Ich muss es sehen. Comment diriez-vous je dois rester ici? Ich muss hier bleiben. C'est ça. Ich muss hier bleiben. Mais je ne peux pas rester ici longtemps. Aber ich kann nicht lange hier bleiben. Oui. Aber ich kann nicht lange hier bleiben. Aber ich kann nicht lange. Longtemps ou très longtemps, ça serait? Sehr lange. Sehr lange hier bleiben. Ich muss hier bleiben, aber ich kann nicht sehr lange hier bleiben. Je dois bientôt partir, se dit en allemand, je dois aller bientôt. Comment diriez-vous cela? Ich, je dois. Ich muss. Bientôt. Comment dit-on bientôt? Bientôt bald. Bald? Bald. Bald, c'est bientôt, oui. Ça s'écrit B-A-L-D, avec un D. Bald. On a donc ich muss bald. Alors reprenons. Je dois bientôt partir, ou partir se dit comme aller. Donc. Ich muss bald gehen. Ich muss bald gehen. À vous maintenant. Ich muss bald gehen. Bien. Ich muss bald gehen.